Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco, le rendez-vous économique sur Radio Fadjet dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie. Lors de chaque émission, nous aborderons une thématique spécifique. Aujourd'hui, nous allons donc évoquer les start-up dans le Grand Est en compagnie de Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Alors bienvenue donc pour cette nouvelle émission de l'Instant Éco. Alors, la région Grand Est décide depuis plusieurs années d'accompagner la création d'entreprises innovantes, génératrices d'emplois et de nouvelles activités à fort potentiel. Alors, ces entreprises font partie des start-up et l'objectif de cette émission est de vous faire découvrir la diversité de l'activité de ces sociétés qui ne sont pas toujours en lien avec les nouvelles technologies. Alors, Francine, ce mois-ci, nous avons des journalistes en herbe qui nous viennent du lycée Georges de la Tour et qui sont en DCG. Peux-tu nous en dire un peu plus ? Tout à fait, Jérôme. Alors, DCG, déjà, c'est un sigle qui veut dire diplôme de comptabilité et de gestion. C'est donc une classe préparatoire qui prépare à une licence, donc en 3 ans, qui est le début de la filière de l'expertise comptable. Et au cours de cette licence, sur les 3 années, les étudiants passent 12 UE. Donc ensuite, soit ils poursuivent vers cette filière d'expertise comptable pour laquelle il y a de nombreux débouchés. De nombreux débouchés, mais surtout, ça prend 8 ans. Pour arriver à être expert comptable. Enfin bon, il y a beaucoup d'alternance après. Ou alors sinon, ils poursuivent vers des masters dans divers domaines. C'est très très varié. Et surtout, ceux qui veulent arrêter peuvent arrêter et travailler parce qu'il y a beaucoup de débouchés dans le domaine. Je crois qu'en matière de gestion, de comptabilité, il n'y a pas de problème de débouchés pour les étudiants. Je crois que les entreprises sont à la recherche en ce moment de nombreux salariés. Complètement. Alors, on va donc justement découvrir donc la French Tech dont l'objectif justement est de créer un environnement donc favorable à ces startups. Et on va donc commencer par accueillir donc deux premières donc étudiantes donc du lycée Georges Latour, Émilie et Clara, qui vont nous présenter justement le rôle de la French Tech. Et si je vous dis Doctolib, Deezer, Blablacar ou encore Black Market, à quoi pensez-vous ? Ce sont des sociétés nous offrant des services, non ? Oui, mais encore, ce sont des start-up de la French Tech. Ah oui ? Mais c'est quoi la French Tech exactement ? La French Tech, c'est le mouvement français des start-up. C'est également un label qui rassemble des entreprises françaises innovantes. Mais en quoi ça consiste une start-up ? Une start-up technologique est une jeune entreprise innovante qui développe une solution technologique pour créer de nouveaux usages, services ou produits avec une ambition de forte croissance. Les start-up de la French Tech s'attaquent à tous les marchés. Cela concerne évidemment le secteur du numérique, mais aussi le secteur de la deep tech, l'intelligence artificielle. Il y a également celui de la santé, comme Doctolib, ou encore celui de la transition écologique, Neoplant. Elle peut être purement numérique ou industrielle et fait souvent appel à du capital risque pour financer la recherche et développement, son implantation industrielle ou encore sa croissance. Que voulez-vous dire lorsque vous parlez de capital risque ? Le capital risque est une prise de participation par un ou des investisseurs au capital de sociétés non cotées. L'objectif de l'investisseur est alors de participer financièrement au développement d'entreprises innovantes. Mais une question importante reste en suspens. Comment se financent les start-up ? Alors, il faut savoir que la French Tech accorde de nombreux financements. Elle dispose d'ailleurs d'un fonds d'investissement de 200 millions d'euros jouant le rôle d'accélérateur de start-up privées. Toutefois, les fonds octroyés aux start-up sont gérés par d'autres organismes et non par la French Tech. Comment la French Tech accompagne-t-elle les start-up ? La French Tech se charge de les mettre en réseau pour les aider à se développer et grandir. Concrètement, en faisant de la mise en réseau, la French Tech est un véritable guichet d'entrée sur tout l'écosystème. On met en relation de start-up, des structures d'accompagnement, des organismes de financement, des grands groupes. On leur apporte également de la visibilité à travers des sites internet, les réseaux sociaux, les podcasts ou encore les articles. Puis aussi des solutions concrètes aux entrepreneurs sur des problématiques comme le recrutement, le financement ou encore le développement à l'international. L'objectif initial de ce label est de placer la France en tête des grandes start-up nations pour permettre aux start-up françaises de peser davantage face à la concurrence internationale. Au final, quel est le but de la French Tech ? Le principal but de la French Tech est de favoriser la création et la transformation des start-up en scale-up, par exemple BlaBlaCar. En effet, une start-up a pour objectif de devenir une scale-up, c'est-à-dire des champions de la tech à fort potentiel de croissance à l'international, créatrice d'impact, de valeur et d'emploi. Le but est de faire de la France un des pays les plus attractifs au monde pour les start-up qui veulent se lancer et leur permettre de partir à la conquête des marchés internationaux et de bâtir un avenir qui ait du sens. Pour ce faire, plusieurs French Tech sont installés dans les territoires qui concentrent le plus de start-up tech et numérique en croissance. Par exemple, il y a la French Tech de Aix-Marseille, avec une communauté de plus de 400 startups et une cinquantaine de structures d'accompagnement. Merci beaucoup pour cette explication. En résumé, si j'ai bien tout compris, la French Tech est un réseau de startups françaises innovantes, composé d'investisseurs qui choisissent de financer ces jeunes pousses françaises. Eh bien, merci donc Clara et Émilie pour cette présentation justement de la French Tech. Et donc, c'est l'occasion justement, à travers donc d'autres donc reportages, de découvrir ces startups qui se sont lancées donc il y a donc quelques années, quelques mois, et qui bénéficient justement de cet environnement de la French Tech. Fadjet, un espace original d'expression et de dialogue. Fadjet, c'est plus qu'une radio. Alors les Français donc sont friands de séries. Alors justement pour les aider donc à choisir donc ces séries, eh bien il y a une start-up qui a été créée dans le Grand Est, c'est Beta Série, et c'est donc Enzo, Sébastien et Johan qui vont nous la présenter. Oui, donc en effet, on s'est intéressé à une start-up de notre région, donc le Grand Est. Cette start-up nous vient tout droit de Reims, il s'agit de Beta Series. En effet Enzo, Beta Series est une start-up qui permet, une fois inscrit, de pouvoir centraliser l'intégralité des séries et films disponibles sur toutes les plateformes du moment, comme Canal+, Netflix, Disney+, ou encore Paramount+. Concrètement, si on a entendu parler d'une série à succès comme La Casa de Papel, on note son nom sur l'application et on y trouve directement la plateforme et les avis. Bah, ça m'a l'air tout bonnement super, c'est payant ton application ? Et non, tout ça gratuitement. Génial ! Hyper intéressant, surtout pour notre génération qui, on le sait, est très série et ciné. En ce qui concerne les séries, qui sont au nombre de 36 000, je sais qu'on peut y retrouver certains types de séries, comme celles au sens plus classique, comme Lost ou 24, des animés comme Naruto ou DBZ, des émissions web telles que Popcorn ou Domingo, des télé-réalités, ou encore des mini-séries ou téléfilms comme Napoléon ou Squid Game. Et oui, en effet, c'est très large. En plus de ça, on peut y retrouver plus de 127 000 films tels que les plus classiques comme Star Wars, Fast and Furious, ou encore les plus récents comme Wonka ou Gran Turismo. En plus, il existe des systèmes de badge, non ? Oui, en effet, au fur et à mesure de l'utilisation de l'application, on gagne des points d'expérience qu'on appelle XP. Et ces points, ils permettent justement de montrer la fidélité de l'utilisateur du site ainsi que son ancienneté, et aussi de profiter davantage en fonction du nombre d'XP que l'on obtient. Trop bien. En plus de tout ça, l'utilisateur est informé grâce à un calendrier des sorties en fonction de ses programmes préférés. Comme ça, il est possible de ne pas rater sa prochaine soirée Netflix and Chill. Bon, bah on saura quoi faire alors. Mais par contre, comment je peux savoir si la série que je vais regarder en vaut la peine ? Eh bien, c'est simple. Quand tu lances ton application, tu peux directement retrouver le top tendance des programmes à regarder. Comme ça, tu peux voir ce qui est le plus intéressant pour toi, le plus intéressant à voir. Et en plus, si ta série ou ton film, il est bien noté, bah grâce à un système d'étoiles, c'est tout bénéfique. Ok. J'ai vu aussi qu'on pouvait, en plus des étoiles, en discuter sur des forums ou sur Discord et échanger nos avis sur ce qu'on vient de regarder. Ça peut être hyper intéressant d'avoir des avis variés avec tous les vrais fans. Eh bien, ça présage une appli qui va en plaire à beaucoup. Ça c'est sûr. Je connais déjà plein d'amis à moi qui vont installer l'application. Il y a déjà 3 millions d'utilisateurs en plus. Tu m'étonnes. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Et oui, ça signe la fin de notre chronique. En espérant qu'elle vous ait plu. Eh bien, merci Enzo, Sébastien et Johan pour cette présentation de Beta Série. Alors, est-ce que vous avez testé cette application, justement ? Oui, à multiples reprises. C'est hyper intéressant de pouvoir voir tout le catalogue de séries. Parce que c'est vrai que quand on regarde sur une plateforme comme Netflix ou Disney+, on n'a pas le catalogue de l'entièreté de toutes les plateformes. Donc, c'est vraiment intéressant. Et moi, ce que je trouve génial, c'est qu'on peut découvrir justement des produits qu'on ne soupçonnait pas. Là, franchement, je ne connaissais pas ça. Ouais. Je pense que je vais l'utiliser. Bien, moi de même, je crois que je vais télécharger rapidement l'application Beta Série. On vous remercie pour cette présentation. On va passer tout de suite à un coup de cœur musical des étudiants de DCG. know you want me. Every day not only when you're lonely. Yeah, you see you think you know me, but you don't even know nothing about me. Yeah. You see my thick thighs, lost when you look into my brown eyes. You see my little ways commit you switch sides. You never know the devil in a disguise. So why don't you stand up, baby? And tell me, do you want me on top? So let me show you. I don't need to back it up. Don't wanna hold you more, just go, just split you in half in my heart. I just wanna love on you, trust in you, honor you. Please do the same on your part. You come my way, make sure you think twice. Look into my eyes, but I can never see eyes. I can point a gun, but you know I could never lie. Come through, I can show you something you can run to. When I'm finished, you'll be feeling brand new. Will never be somebody you can run through. And I can put that in my life one time. No cap, big five, slow down, catch feels, get high. If you make you bet, then you can lie. Just please don't waste my time. About the way your body twisting, make me lose control in a this thing, boy. And it's happy cause I'm thinking of us. Don't go throw me under the bus. Under respect, I'm under your love. I don't know why nobody want me. Me say my baby today do me bad. Put your heart inside my goodie bag. If I do you bad, I beg you make you know do me bad. Give me one time, one try, be mine this time. Take time, same time, make we know they waste time. Girl, I never lie, you already know I'll be honest. On va retrouver maintenant donc Océane donc, et Claire qui vont nous parler d'une start-up Signe, justement une start-up très intéressante, notamment pour la gente féminine. En effet, on connaît tous le problème récurrent des collants qui filent dès la première utilisation. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, tu sais qu'en moyenne, un collant file au bout de 5 utilisations. Les Françaises achètent en moyenne 15 paires pour tenir tout l'hiver, soit un budget moyen de 150 euros. Mais c'est vraiment énorme. Mais tu ne connais pas les collants de la marque Signe ? Chez Signe, 3 collants seraient suffisants pour passer l'hiver au chaud. C'est même une start-up made in France qui est près de chez nous, dans la Marne. Ce sont deux personnes, Inès et Axel, diplômés d'une grande école de commerce et anciens consultants en stratégie et marketing, qui ont la super idée de créer des collants ultra résistants qu'on pourrait porter au moins 30 fois. Waouh, c'est génial! Ça serait le rêve d'avoir des collants qui durent aussi longtemps. J'imagine pas les économies. Mais comment expliquer qu'ils durent aussi longtemps? En fait, ils ne sont pas faits en nylon, comme traditionnellement, mais en fil utilisé pour les sportifs lorsqu'ils font de l'escalade. C'est ça qui fait toute sa résistance. Ça me fait penser au modèle économique d'éco-conception. Ce modèle consiste à intégrer la protection de l'environnement dès la conception des produits. L'objectif est de réduire les impacts environnementaux des produits tout au long de leur cycle de vie, que ce soit à l'extraction des matières premières, à la production, la distribution, à l'utilisation, jusqu'à la fin de vie du produit. Oui, c'est exactement ça. La marque préfère investir dans une production de qualité pour garantir des produits qui durent dans le temps, plutôt que d'augmenter leur marge ou de faire de trop grosses dépenses en marketing. Ainsi, la marque lutte contre l'obsolescence programmée habituelle des collants pour respecter l'environnement et préserver les ressources naturelles. Ah oui, c'est dans l'air du temps avec l'approche responsabilité sociale et environnementale des entreprises. En plus, elle propose la consigne à ses clients. Concrètement, quand le collant est usagé, si le client lui retourne, elle envoie un bon de réduction en échange. L'objectif pour la marque est de récupérer les collants en fin de vie afin de les analyser pour les améliorer et aussi pour les recycler. D'ailleurs, je suis vraiment étonnée que tu n'aies pas entendu parler d'eux. Ils sont très présents sur les réseaux et à la télé. Maintenant que tu en parles, c'est vrai que j'ai déjà vu des reportages au journal télévisé sur la marque. C'est vrai qu'ils ont l'air d'avoir du succès. J'ai entendu dire qu'ils étaient en précommande depuis quelques mois, victimes de leur succès. C'est vraiment prometteur. Eh bien, merci donc à toutes les deux pour cette présentation. Et Francine, on s'aperçoit que les startups, ce n'est pas uniquement les nouvelles technologies. Tout à fait. Alors, tout à l'heure, j'étais hyper intéressée par le produit. Mais alors là, pareil. Hein, là, franchement, les collants, effectivement, trois collants sur une période hivernale, c'est génial. Quoi. Donc, mais a priori, ils sont en rupture de stock, là, non? Oui, depuis quelques mois, ils sont en précommande. Voilà, ben, donc, on peut comprendre. Je vais faire la précommande. Alors, voilà, aussi. Quand start-up et utilité se conjuguent, eh bien, ça explique effectivement le grand succès de cette société. Eh bien, merci à toutes les deux. Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Bien, on va retrouver maintenant une autre start-up encore très utile donc, pour nous, notamment pour ceux qui possèdent effectivement des animaux. On va retrouver donc Eva, donc Clarisse et Mathéo qui vont nous parler de PatchGuard. J'envisage d'aller à Strasbourg ce week-end, mais je suis un peu embêtée. Même si pour moi, quand je suis allée sur Strasbourg, je cherchais une solution pour garder mon chien. Et du coup, j'ai trouvé le site PatchGuard. Que propose concrètement PatchGuard? C'est une entreprise qui propose de garder votre chien et pour aller visiter les cités alentours. Que font-ils avec nos chiens? Y a-t-il des activités proposées? Moi, ma chienne, elle est allée là-bas et elle est restée une journée. Elle s'est amusée avec ses copains, elle avait d'autres chiens, elle était tout le temps surveillée. Et elle est partie en balade plus d'une heure. Et franchement, c'était plutôt cool. Les salariés, ils étaient aux petits soins toute la journée avec elle. Et j'ai eu des photos toute la journée. Et tu n'as pas eu peur d'y laisser ta chienne? Oui, la laisser avec des inconnus, ça ne t'a pas dérangé? Je me suis rapidement sentie en confiance parce que du coup, c'est noté 5 étoiles sur 5 sur Google par 44 personnes. Puis tout au long de la journée, comme je l'ai dit, ils ont réussi à m'envoyer des petites photos et j'ai eu un rapport à la fin de la journée. Mais ça doit coûter cher, non? Pas vraiment. Moi, j'ai payé 25 € pour les 8 heures et généralement, une heure, c'est 9 €. Donc, c'est pas très, très cher. On peut y laisser son chien pendant 11 heures pour seulement 5 € de plus. Donc, pas très cher. Mais au final, c'est pas très différent d'un chenil. C'est davantage une crèche pour animaux. Ils ont un vrai contact avec les animaux, alors qu'un chenil, c'est plus une pension pour partir plusieurs jours. En plus, nos chiens sont libres et non enfermés dans des cages. D'accord. Je vais réfléchir à cette solution pour mon chien, le laisser quelques heures. Comment on fait pour réserver un créneau? Ils ont un super site internet où c'est plus simple de réserver la journée sans se déplacer. Sur le site, ils proposent également des événements organisés au cours de l'année. Quel type d'événements sont proposés? Ça tombe bien que tu poses la question, puisque récemment, ils ont organisé un événement autour de la Saint-Valentin. D'accord. On te remercie pour ton retour d'expérience qui va pouvoir nous aider, nous les propriétaires de chiens. Alors justement, on va retrouver la responsable de cette société PatchGuard, qui avait été invitée sur Europe 1 dans la France, qui bouge, animée par Elisabeth Assayas, et elle avait fait un pitch. Alors un pitch, est-ce que vous savez ce que c'est? C'est quand on présente l'entreprise. Voilà, c'est le fait de présenter en une minute trente son entreprise. Alors, on va retrouver tout de suite donc, un extrait de cette émission, La France qui bouge. La France bouge. Je suis Laetitia Lacote, la fondatrice de PatchGuard. Et donc moi, je suis la propriétaire de Patch, qui est donc un berger américain. Et en fait, je constate régulièrement, quand je vais en vacances en famille, je suis co-handicapée à cause de Patch, parce qu'il y a plein d'endroits où les chiens sont interdits. Donc en France, nous sommes 18 millions de propriétaires de chiens, ce qui fait un tiers des Français, et on a tous déjà été ennuyés pour visiter quelque chose avec notre chien. Et donc j'ai décidé de créer PatchGuard, qui offre un service de garderie ponctuelle pour chiens de 1 heure à la journée, le temps de la visite. Donc au site touristique, je leur propose d'aménager un local sécurisé spécialement pour les chiens, et de fournir du personnel qualifié dans le domaine canin.

Donc il est vrai qu'en tant que client, nous avons tous déjà souhaité bénéficier d'une carte de fidélité gratuite et mise à disposition rapidement de la part de nos commerçants. C'est vrai qu'une fois, j'ai demandé à avoir une carte de fidélité dans un commerce, mais ils m'ont répondu qu'elle n'était pas gratuite et en plus, il fallait que j'attende un mois avant de la recevoir. C'est vrai que ça peut être difficile de nos jours pour les commerçants de fournir des cartes de fidélité sans frais et sans délai. C'est pourquoi nous nous sommes intéressés à la start-up Fidelato. Donovan, peux-tu nous en dire plus sur cette nouvelle entreprise innovante ? Avant de laisser la parole à Donovan, la start-up Fidelato est implantée dans la Marne, dans la région Grand Est, et a été créée le 22 juillet 2022. En effet, Fidelato permet aux commerçants de mettre en place un système de fidélité utile et engageant, avec toutefois la possibilité de créer une carte de fidélité gratuite pour leurs clients. Les dirigeants nous ont même expliqué que les commerces sans présence significative sur Internet étaient souvent dépassés par la concurrence. Mais du coup, comment ont-ils procédé ? Pour remédier à cela, ils ont décidé d'apporter leur soutien aux professionnels moins familiers avec le numérique, qu'ils soient commerçants ou clients, en proposant deux applications mobiles distinctes, une pour les professionnels et une pour les clients. Hugo, veux-tu nous en dire plus sur ces applications ? Est-ce gratuit ? Alors oui, l'application destinée aux commerçants est extrêmement simple d'utilisation. Elle leur permet de créer rapidement un profil et surtout d'établir une carte de fidélité gratuite pour leurs clients. À mesure que les commerçants gagnent en aisance, ils peuvent accéder à des fonctionnalités plus avancées, telles que la consultation d'un tableau de bord présentant des données essentielles, ainsi que l'envoi de notifications directement sur les smartphones de leurs clients. Il existe plusieurs forfaits dans le forfait de base qui est gratuit. Et côté consommateur ? L'application destinée aux clients est très simple et très pratique. Elle permet de regrouper toutes ses cartes de fidélité à un seul et même endroit pour éviter d'oublier ou de perdre ses cartes. Et vous n'avez pas pensé à un autre avantage ? C'est le fait de dématérialiser la carte de fidélité, ça permet également d'en finir avec le budget imprimeur. Néanmoins, le projet de la start-up Fidelato présente quelques inconvénients à prendre en compte, tels que la confidentialité et la sécurité des données. Certains clients peuvent être réticents à partager leurs informations personnelles. L'adaptation de personnes âgées au numérique est également un problème pour le développement du projet. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. Alors Francine, je crois que cette application est faite pour toi. Bah oui, j'en avais déjà une, hein, mais je pense qu'elle n'est pas en lien avec, direct avec les commerçants. Donc là, l'avantage, c'est que pour les commerçants, ça leur permet effectivement de pouvoir suivre un petit peu, d'avoir des tableaux de bord et d'avoir des données sur leurs clients. Oui, je crois que c'est donc, si j'ai bien compris, en fait, la start-up s'adresse à la fois aux consommateurs, mais aussi hein, aux entreprises, ouais, aux commerçants. Ouais. Et pour les commerçants, il y a plusieurs forfaits disponibles. Mmh. Il y a un forfait gratuit où il y a des options, mais pas un large panel d'options. C'est pour s'initier, en fait. C'est ça. Et après, pour les commerçants un peu plus développés, il y a des forfaits payants où c'est un peu plus développé et plus poussé. Bon bah je crois donc longue vie donc à cette start-up donc créée, vous l'avez dit, en 2022. Oui, le 22 juillet 2022. 22, voilà. Donc je pense une start-up qui a de l'avenir. Fadjet, une radio associative, locale, solidaire et citoyenne. Et bien voilà, Francine, ainsi se termine donc cette émission de l'Instant Éco. On a eu donc vraiment des témoignages intéressants de ces étudiants du lycée Georges de la Tour. Donc, on le rappelle. En DCG, diplôme de comptabilité et de gestion, voilà, c'est une licence. Voilà, une licence qui prépare donc au métier d'expertise comptable. Voilà. Hein, voilà. Et bien merci à eux pour cette présentation des différentes startups. Alors, si vous avez pris l'émission en cours, n'hésitez pas à nous retrouver sur le site de Radio Fadjet, puisque toutes les émissions de l'Instant Éco sont à retrouver en replay. Eh bien, Francine, on se retrouve donc prochainement pour une nouvelle émission de l'Instant Éco. Mais bien sûr, Jérôme, avec plaisir. Eh bien, d'ici là, n'oubliez pas de rester fidèle à Radio Fadjet.